Si chéri mwen comprend, dis mwen tout ça que nan cœur ou non. Parfois mon vie relè, pour me dire tout ça me senti. Mon vie font des yeux doux, mais pas pour des courage. Ou bien le m'a chanté, sous les deux yeux me fermé. C'est ou même m'a rêvé pour qu'on tout ça que nan cœur. échapper.